Donc en fait, moi j'ai décidé de m'intéresser dans cette intervention aux pratiques non conventionnelles. Alors déjà, un petit point de définition, pourquoi j'ai dénommé ça les pratiques non conventionnelles, parce que finalement il y a beaucoup de termes qui sont utilisés, médecine douce, médecine alternative, médecine complémentaire, holistique, etc. Et qui est désigné par l'OMS comme un vaste ensemble de pratiques de santé qui ne font pas partie de la tradition du pays même ou ne sont pas intégrées à son système de santé prédominant. Voilà. Donc il n'y a pas vraiment de terme défini, on a une définition mais pas vraiment de terme. Donc les pratiques non conventionnelles, c'est un terme qui m'a paru, qui m'est apparu comme le plus pertinent, on va dire. Déjà parce que les études qui ont été faites par rapport aux praticiens, donc qui proposent une offre donc de pratiques non conventionnelles, ne définissent pas leur pratique comme une forme de médecine. Donc déjà le terme de médecine me pose un peu problème. Et ensuite la seconde, cette fois-ci c'est par rapport au regard des patients, il y a une pluralité des usages qui est fait de ces pratiques, c'est-à-dire certains vont les utiliser dans une optique de complémentarité, d'autres dans une optique... on va dire alternative. Donc le terme pratique non conventionnelle, ça permet de subsumer en fait les différents types d'usages qui sont faits de ces pratiques qui ne sont pas forcément vues comme des médecines par les praticiens même. Voilà, ça c'était un peu pour déjà resituer le terme. Donc en fait dans le cadre de l'étude CORSAC, on s'est intéressé, il y avait plusieurs questions sur le recours aux pratiques non conventionnelles des patients. Donc on leur a demandé déjà est-ce qu'ils en utilisaient, est-ce qu'ils avaient recours, de quelle manière, est-ce qu'ils avaient recours avant le cancer. On a essayé un petit peu, on va dire, de recontextualiser ce type de recours en ne faisant pas du patient uniquement un patient, mais en le voyant plus comme un acteur social. Donc personnellement, dans le cadre de mes travaux antérieurs, j'étais très attachée à la notion de trajectoire biographique. Donc dans le cadre de cette intervention, je vais essayer un petit peu aussi de resituer l'usage, le recours aux pratiques non conventionnelles dans des perspectives biographiques. Donc déjà, toujours dans l'introduction, on peut dire qu'il y a trois préconstructions sociales majeures qui sont associées aux pratiques non conventionnelles. La première, c'est qu'en fait, elles auraient un caractère ultime, c'est-à-dire que les patients auraient recours à ces pratiques uniquement lorsque le champ des possibles serait restreint et que les traitements médicaux auraient échoué, et du coup, il ne resterait plus que ça, plus que ce type de pratique vers lequel se tourner. Ça, c'est la première préconstruction sociale. Et finalement, on s'aperçoit que, c'est beaucoup plus complexe que ça et que c'est pas justement dans la majeure partie, la majeure partie des cas qu'on a rencontrés, c'était pas du tout utilisé en termes d'ultime recours. La seconde préconstruction sociale, c'est que les personnes qui auraient recours à ce type de pratique auraient finalement une position très critique à l'égard de l'institution médicale, donc qui seraient dans une forme de rupture, en disant par exemple je suis contre les traitements biomédicaux et je vais me tourner plutôt vers les pratiques non conventionnelles. Là aussi, deuxième préconstruction sociale qui a été remise en question par l'étude qu'on a menée. Et la troisième préconstruction sociale, ce serait une vision unifiée de ce type de recours, donc des pratiques non conventionnelles, comme un espèce de système complètement indifférencié, alors que ça recoupe énormément de pratiques différentes. Et donc, je me suis attachée à essayer justement de déshomogénéiser ce type de recours. Alors, moi, je vais faire une présentation en deux points. La première, d'abord, ça va être de montrer que les pratiques non conventionnelles, ce ne sont pas n'importe lesquelles. Elles ne sont pas entreprises n'importe comment et elles ne concernent pas n'importe quel patient. Ça sera dans un premier temps. Et dans un second temps, je vais essayer de montrer que finalement, ce type de recours, ça occasionne des coûts en termes d'investissement personnel, de recherche d'informations, etc. Mais qui est aussi, ça permet un gain de maîtrise sur le parcours thérapeutique. Donc d'abord des pratiques non conventionnelles qui ne sont pas n'importe lesquelles, qui ne sont pas utilisées n'importe comment et surtout pas par n'importe qui. Donc parmi les patients de l'étude CORSAC, on s'est aperçu que c'était essentiellement les personnes qui étaient atteintes d'un cancer du sein qui avaient recours à ce type de pratique. Alors, j'insiste, dire les personnes atteintes d'un cancer du sein et non pas juste les femmes, parce que là, dans le premier temps, je vais me concentrer sur le type de cancer. Donc effectivement, ce sont des femmes, mais avant tout, c'est le type de cancer qui va nous intéresser. Et c'est pas anodin, en fait, que ce soit des femmes qui aient un cancer du sein, c'est parce que c'est un des cancers qui a les taux de survie les plus importants. Et donc, il y a vraiment une optique de l'après-cancer qui est envisagée. Alors, non, pas dans tous les cas, mais la plupart des patientes que j'ai interrogées, à qui on avait diagnostiqué un cancer du sein, n'étaient pas, ne pensaient pas qu'elles seraient confrontées à la mort. Elles étaient tout de suite dans une optique de survie et donc d'après-cancer. Donc, le terme d'après-cancer, avant, après, était assez prégnant dans les discours. Donc finalement, il y a quand même une optique de rémission, voire de guérison qui est envisagée. Et ça, enfin cette optique, ça s'accompagne d'une réflexion sur les facteurs étiologiques et donc une projection dans l'avenir. Or, les pratiques non conventionnelles apparaissent pour ces femmes comme la possibilité d'un mieux vivre. Donc c'est vraiment associé à l'idée d'un mieux vivre, d'un bien-être global. Et donc du coup, elles vont envisager d'avoir recours à ce type de pratique pour éviter une éventuelle récidive, pour améliorer leur hygiène de vie, etc. Donc c'est vraiment, c'est le type de cancer qui fait que, comme il y a a priori une possibilité de guérison, de rémission, on va essayer d'investir, il y a une espèce d'investissement sur l'avenir qui se fait à travers ce type de recours. A l'inverse, donc les deux autres types de personnes qui étaient atteintes d'un cancer du côlon ou du poumon, alors je précise que les personnes qui étaient atteintes d'un cancer du côlon dans l'étude Corsac étaient en phase métastatique. Donc là, pour le coup, elles étaient quand même confrontées à une expérience de finitude. Et donc ces personnes-là étaient beaucoup plus pessimistes et forcément le côté après-cancer, n'y pensaient pas, c'est pas quelque chose qui leur apparaissait d'emblée. Ils essayaient déjà de se concentrer sur le moment présent, de voir comment elles allaient faire pour essayer de s'en sortir sur le moment présent. Et du coup, toutes les pratiques non conventionnelles étaient un petit peu reléguées à « oui, si jamais je m'en sors, peut-être que j'y penserai, mais en tout cas, pour l'instant, je vais déjà me concentrer sur les traitements biomédicaux ». Donc ce type de personnes, les personnes atteintes d'un cancer du côlon métastasé et du poumon, sont vraiment dans une logique d'exclusion. Pour le coup, il y avait une concentration sur les traitements biomédicaux qui exclut le recours aux pratiques non conventionnelles, chose que donc je n'ai absolument pas, on n'a pas du tout retrouvé chez les personnes atteintes d'un cancer du sein. Donc finalement, c'est assez important de penser conjointement l'intériorisation des chances de survie qui est associée au cancer et celle des représentations associées aux pratiques non conventionnelles, donc associées à l'idée de mieux vivre, de bien-être global, pour comprendre donc la prévalence de ce type de recours chez les personnes qui sont atteintes d'un cancer du sein. Donc ça, c'était le premier constat, donc majoritairement utilisé par les personnes atteintes d'un cancer du sein. Le second constat, ça concerne le sexe des personnes. Donc là, on s'est aperçu à travers l'étude que c'était majoritairement des femmes qui avaient recours à ce type de pratique. Et la sociologue que je suis s'est penchée sur cet aspect à travers donc, l'usage du concept de rapports sociaux de sexe. Et finalement, on s'est aperçu que les femmes, traditionnellement, donc sont en charge du care, dans le cercle familial notamment, et a fortiori dans le cercle de la santé. C'est-à-dire qu'en fait, avant même d'être elles-mêmes confrontées à l'expérience du cancer, elles avaient déjà en charge la santé des différents membres de leur famille. Donc elles allaient, par exemple, faire des démarches pour trouver un médecin généraliste pour leurs enfants, elles allaient prendre en charge, voire même des personnes qui sont de leur famille qui sont atteintes de maladies chroniques. Donc voilà, donc elles avaient un peu l'habitude, on va dire, de prendre en charge les démarches de santé. Et donc elles ont vraiment une expérience par rapport à ça, et donc un rôle actif. Donc ça, c'est vraiment décisif, notamment pour les enfants. Je me suis aperçue que, par exemple, dans le cadre de la des pratiques de santé familiale, les enfants ils avaient souvent fait des démarches pour, par exemple, utiliser l'homéopathie pour guérir leurs enfants, ou bien de l'acupuncture, etc. Donc déjà, avant même en fait, d'être elles-mêmes confrontées au cancer, la plupart des patientes connaissaient, on va dire, le répertoire de pratiques non conventionnelles, enfin en tout cas les principales, et surtout il y avait déjà eu recours, notamment pour leurs enfants. Donc finalement, cette expérience antérieure, ça va les inciter à renouveler ce type de recours, voire à tester de nouvelles pratiques. Donc elles peuvent reconduire des usages notamment d'homéopathie, d'acupuncture, mais en même temps elles vont se dire, ça peut être aussi l'occasion pour moi-même d'essayer de nouvelles pratiques, surtout si elles en ont été satisfaites pour leurs enfants. Donc déjà, bon, ça c'est voilà, un rôle actif qui est assez important. Et surtout, elles se sont constituées un réseau thérapeutique, notamment à travers les pratiques de solidarité qu'on peut observer entre les mères de famille. Voilà, à la sortie de l'école, moi j'ai consulté tel homéopathe, il est bien, mon papy me donnera son adresse. Voilà. Donc déjà, il y a un espèce quand même de réseau qui fait qu'elles ne sont pas démunies, elles savent à peu près à qui s'adresser et donc mobiliser leur réseau. Et puis aussi, elles sont plus perméables finalement aux incitations des proches et des intervenants, notamment paramédicaux, qui peuvent les inciter à se tourner vers les pratiques non conventionnelles. Finalement, on peut dire que l'intériorisation de cette espèce de division sexuelle de la prise en charge de la santé va les encourager à innover. Comme elles ont été dans un rôle actif, comme elles disposent des réseaux, voilà, elles vont être plutôt dans l'innovation quand elles-mêmes vont être confrontées au cancer et que donc elles vont penser à ce type de recours. Donc ça, on peut le voir aussi en creux avec un exemple d'un enquêté qui s'appelait François. Donc qui avait 47 ans, qui était atteint d'un cancer du côlon, pour lequel il suivait une chimiothérapie. Et donc lui, il était en couple avec une compagne avec qui il entretenait une relation à distance. Et donc quand on l'a interrogé sur son éventuel recours aux pratiques non conventionnelles, lui m'a dit je prends effectivement des granules homéopathiques, mais c'était pas du tout de son initiative. Je fais confiance à Sophie, donc Sophie, sa copine. Elle me dit tu prends ça, je prends. Voilà. Donc vraiment dans l'observance par rapport à ce que disait sa compagne. Donc vraiment le rôle des femmes là est assez prégnant, important dans le recours aux pratiques non conventionnelles. Et on peut se demander aussi, est-ce qu'en en miroir, si les femmes, si par exemple un patient dont la femme est opposée à ce type de recours, est-ce qu'elle ne va pas l'empêcher? Donc voilà, donc ça peut être un rôle incitateur, mais on peut se demander si ça n'a pas aussi un rôle inhibant dans certains cas. Alors par rapport à la variable âge, on n'a pas déterminé que c'est une variable déterminante dans le cadre des recours aux pratiques non conventionnelles. Bon, une certaine exceptionnalité de la part des personnes qui sont âgées de plus de 60 ans, qui disaient ne pas trop faire confiance à ce type de pratique. Mais voilà, on n'avait pas suffisamment de matériaux pour exploiter, donc ça reste une piste à investiguer. En revanche, là aussi c'est aussi lié peut-être au biais de l'étude, mais c'était essentiellement les personnes qui étaient issues de classes moyennes et supérieures qui avaient recours à ce type de pratique. Bon, là ça recoupe ce qu'a dit Guillaume tout à l'heure, que la plupart des patients qu'on a interrogés étaient issus de ce type de groupes sociaux, donc voilà, il peut y avoir un biais par rapport à ça. Mais en tout cas, si on doit faire un espèce de profil type des personnes qui ont recours aux pratiques non conventionnelles, ce sont donc des femmes qui sont atteintes d'un cancer du sein, qui sont âgées de moins de 60 ans et qui sont dotées de capitaux. Voilà. Et ça, c'est un profil qui se retrouve dans d'autres études. Donc là, je pense notamment à Olivier Schmitz ou Kat Ebras, qui ont mis aussi ça en avant. Alors, par rapport au recours proprement dit, en fait, on s'est aperçu que c'était important de déshomogénéiser, parce que souvent il y a des typologies qui sont faites par rapport donc, à ce type de recours. On va distinguer notamment, par exemple, le Centre national des médecines complémentaires et alternatives. Ils envisagent les pratiques non conventionnelles à partir de 5 catégories. Donc, je vous les cite rapidement. Les systèmes médicaux alternatifs, comme l'homéopathie. Les interventions corps-esprit. Donc là, c'est par exemple la méditation. Les thérapies qui sont fondées sur une manipulation du corps, comme la chiropractique. Les thérapies énergétiques, donc là le magnétisme, et les thérapies qui sont basées sur la biologie, donc par exemple l'usage de plantes. Donc voilà, c'est une typologie parmi d'autres. Ce dont je me suis aperçue, c'est que finalement c'est assez important de parler donc, des usages qui sont faits, mais aussi des pratiques et des types d'adhésion. Voilà, donc ça c'est les trois, on va dire, variables que j'ai essayé de penser en lien plutôt que de les superposer, on va dire. Donc déjà, en termes de pratiques proprement dites, c'est l'homéopathie qui est suivie de l'acupuncture qui représente les deux pratiques qui étaient les plus couramment utilisées par les patients de l'étude Corsac. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve de manière prégnante dans les discours, homéopathie et acupuncture. Donc, ce type de pratique, c'est pas anodin, la raison pour laquelle elles sont privilégiées, c'est parce qu'elles entrent finalement en résonance avec les critiques, alors souvent modérées, mais les critiques quand même qui peuvent être adressées à l'institution médicale, et notamment par rapport à la prise en charge en CLCC, puisque donc nous, notre étude était sur des patients qui étaient pris en charge en centre de lutte contre le cancer. Et donc ces patients-là dénonçaient notamment l'absence de soutien, de relations individualisées avec les médecins. Donc, certains disaient on a l'impression d'être un numéro. Alors, évidemment, c'est à relativiser, hein. Tous les patients ne disaient pas ça, mais en tout cas, ceux qui avaient recours à ce type de pratique, eux, le disaient. Et à l'inverse, il mettait en avant le côté individualisé du traitement homéopathique, puisque bah, le médecin homéopathique doit connaître le parcours biographique de la personne. Et donc Olivier Schmitz notamment dit, qualifie l'homéopathie de médecine de la personne et non du symptôme. Et ça, on retrouve vraiment ce type d'argumentaire, en tout cas dans les discours des personnes qui ont recours à l'homéopathie. L'acupuncture repose sur la prise en considération de l'ensemble des dimensions constitutives de l'individu. Donc il y a vraiment un côté holistique qui plaisait aux personnes qui avaient recours aux pratiques non conventionnelles. Donc finalement, ces deux pratiques, homéopathie et acupuncture, c'est porteur d'une certaine signification sociale, celle des dysfonctionnements et des limites de l'institution médicale, en tout cas en CLCC telle qu'elle était vécue, ressentie par les patients. Alors évidemment, il y a d'autres pratiques qui sont légitimes, puisque bon, l'homéopathie et l'acupuncture bénéficient d'une certaine légitimité aux marges de la biomédecine, mais elles ne rentrent pas en résonance avec justement ces critiques adressées à l'institution médicale. Donc là, c'est important, je pense, de mettre en relation le type de recours, ce type de recours, donc à ces pratiques non conventionnelles, et les critiques qui peuvent être adressées au CLCC notamment. Alors évidemment, les patients avaient recours à d'autres pratiques, notamment la méditation, la sophrologie, le PNL, le programme neurolinguistique, ou encore l'adoption d'une alimentation spécifique. Donc là, je vous renvoie à la communication qui a été faite tout à l'heure. Et par contre, ces pratiques étaient un petit peu, en tout cas du point de vue des patients, étaient un petit peu moins bien acceptées de la part des oncologues que l'homéopathie ou l'acupuncture. Quand les patients disaient aux oncologues qu'ils utilisaient l'homéopathie ou l'acupuncture, là, ça se passait à peu près bien, ils avaient éventuellement des conseils, ou en tout cas une certaine écoute, alors que s'ils commençaient par exemple à dire, voilà, je vois, je fais beaucoup de sophrologie, ou je vois un magnétiseur, voilà, là, ils sentaient une certaine réticence de la part de leur oncologue. Donc finalement, cette désapprobation, elle est aussi à mettre en lien avec, on va dire, le type d'usage qui est fait de ces pratiques. Puisque, donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut essayer de penser ensemble les pratiques, les usages et les adhésions. Et là, en effet, on voit que finalement, les réactions les plus désapprobatrices de la part des oncologues, c'est qu'en surtout, il y a des usages qui sont faits en termes, non pas de complémentarité, mais en termes alternatifs. Quand les patients commencent à dire, moi j'accorde beaucoup d'importance à l'homéopathie, je pense que ça peut me traiter. Là, il y a tout de suite un espèce de recul de la part de l'oncologue qui va essayer de les dissuader, ou en tout cas de les inciter à suivre le traitement biomédical. Non pas de les dissuader d'utiliser les traitements homéopathiques, mais en tout cas de ne pas s'en servir en termes de substitution. Donc je pense que ça a son importance parce que finalement, les études notamment, je reviens sur celle d'Élodie Planchon, qui s'est intéressée notamment aux praticiens non conventionnels et qui a mis en miroir leur pratique avec celle des oncologues, elle a bien mis en évidence le fait que voilà, les oncologues ne sont pas forcément hostiles aux pratiques non conventionnelles, mais voilà, ça dépend déjà quelles pratiques, et surtout ça dépend aussi quels usages en sont faits. Donc ça, c'est assez important. Alors la plupart des patients, de toute façon, n'étaient pas dans une optique alternative, ils sont plus dans une optique de complémentarité, et notamment pour gérer tout ce qui est effet secondaire. Donc ça, c'est vraiment un des résultats de l'étude. 90% je dirais, des patients qui ont eu recours aux pratiques non conventionnelles, c'était pour gérer les effets secondaires, donc de la chimio ou de la radiothérapie, donc les nausées, les douleurs, les mucites, etc. Et ça leur permettait notamment d'exprimer ce que le corps médical a parfois tendance à passer selon eux sous silence, notamment tout ce qui est fatigue. Voilà, la notion de fatigue est beaucoup revenue dans les discours. Les enquêtés considéraient qu'elle n'était pas vraiment prise en compte ou en tout cas entendue par l'oncologue. A l'inverse, ils avaient l'impression que les homéopathes, les acupuncteurs, eux, entendaient ce type de symptômes qui, en tout cas selon eux, étaient vraiment très importants et qui les empêchaient de vivre. Donc finalement, les patients trouvent dans l'attention de ce type de praticiens, donc les praticiens non conventionnels, une forme de reconnaissance de leurs symptômes. Et ça, c'est une question, il y a vraiment une quête de sens aussi qui sous-tend ce type de recours. Alors, outre la gestion des effets secondaires, il y a une recherche de fortification du corps et de l'esprit, une optimisation de l'action thérapeutique des traitements conventionnels. Voilà, il y a une grande légitimité qui est accordée aux traitements biomédicaux, mais on va essayer justement que ça marche encore mieux en ayant recours à ce type de recours non conventionnel. Une volonté de limiter la prise des médicaments qui sont considérés des fois comme étant très iatrogènes, voire même malsains, c'est des termes qu'on a pu retrouver dans les discours. Et puis aussi parfois de limiter le coût financier, donc évidemment ça c'est pas pour toutes les pratiques non conventionnelles, mais notamment pour l'homéopathie, ça peut revenir moins cher que certains traitements conventionnels. Après il y a aussi des logiques de prévention, où les enquêtés vont essayer de se prémunir d'une éventuelle récidive, donc là je renvoie à ce que j'ai dit tout à l'heure, ou de manière beaucoup plus générale à contrer les effets qui sont présumés néfastes de la vie contemporaine. Donc finalement, pour certains enquêtés, il peut y avoir, on va dire, en début de prise en charge thérapeutique, un usage qui est fait en termes vraiment de complémentarité, uniquement par exemple pour gérer les effets secondaires. Et puis on a une espèce de glissement de ce type de recours en fin de traitement, enfin même une fois que le traitement était fini, vers quelque chose de beaucoup plus existentiel, où on revoit complètement sa façon d'aborder les choses, d'aborder la vie, et les recours aux pratiques non conventionnelles peuvent avoir là une place prépondérante. Donc, quand les patients justement commencent à affirmer, en tout cas la légitimité de ce type de recours par rapport à leur oncologue, en disant moi c'est quelque chose auquel j'aurai recours, y compris après le cancer, c'est quelque chose vraiment qui m'aide beaucoup dans ma vie, quand il y a cette affirmation vraiment qui est faite, là, de nouveau, voilà, les oncologues peuvent un petit peu bloquer, se crisper, et parce que ça remet en cause aussi le modèle, allopathique. Alors, là où il y a aussi une petite précision à faire, c'est par rapport au type d'adhésion. Toujours pour essayer de comprendre, le type de réaction que peuvent avoir les oncologues par rapport à ce type de recours. Alors, comme le souligne Anne-Cécile Bégaud, donc, qui a fait sa thèse sur ce type de recours, l'une des préconstructions majeures à propos des pratiques non conventionnelles, ce serait que les personnes qui ont ce type de recours seraient entièrement acquises à leur cause. Voilà. Elles seraient complètement, elles investiraient ça, une légitimité extrême, etc. Or, on s'aperçoit qu'en fait, il y a trois types, elles en tout cas dégagent trois types d'adhésion, et ces trois types ont été retrouvés dans les discours de nos patients. Une adhésion minimaliste, déjà, qui est une espèce de mise à l'essai des pratiques. On va voir tout simplement si ça marche, donc là c'est vraiment très instrumentalisé. Une adhésion modérée, donc là les pratiques non conventionnelles sont intégrées aux pratiques de soins, mais voilà, elles restent quand même l'objet de doutes et de critiques. Et enfin une adhésion intégrale, qui se caractérise cette fois par une intégration des pratiques non conventionnelles au mode de vie. Donc on a ces trois types, minimaliste, modéré et intégral. Et finalement, au dire des patients, l'adhésion minimaliste ou modérée est très bien acceptée de la part des oncologues. Ils ne sont pas du tout réticents. En revanche, l'adhésion intégrale, elle, commence à susciter de fortes réticences, puisque donc il y a toujours ce risque de concurrencer les traitements conventionnels. Et donc là, les patients qui étaient dans un type d'adhésion intégrale disaient avoir expérimenté des réactions très désapprobatrices, voire normalisantes de la part des oncologues, qui essaient de les dissuader, là pour le coup, vraiment d'avoir recours à ce type de pratique. Donc finalement, à la lumière de ces analyses, on voit que ce serait assez appauvrissant d'opposer de manière caricaturale des recours qui seraient légitimes à des pratiques conventionnelles à des recours illégitimes à des pratiques non conventionnelles. Finalement, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et on s'aperçoit que les analyses mettent surtout en exergue l'existence d'un modèle légitime de recours aux pratiques non conventionnelles, d'où l'importance de déshomogénéiser. Et ce modèle légitime, qu'est-ce que c'est ? C'est finalement des pratiques d'homéopathie ou d'acupuncture qui sont utilisées pour gérer au mieux les effets secondaires des traitements conventionnels et qui suscitent une adhésion minimaliste ou modérée de la part des patients. Voilà. Donc je trouve que c'est important de toujours essayer de déshomogénéiser les choses et de ne pas voir les choses en bloc. Et là, en l'occurrence, en ayant recours, en croisant et les recours et les usages et les pratiques, on a quelque chose d'un petit peu plus fin qui vient nuancer notamment la posture des oncologues, qui est souvent préconstruite comme étant hostile à ce type de recours, ce qui n'a pas été vraiment observé. Alors, donc ça c'était la première partie donc sur le type de recours. Ensuite, on va s'intéresser à la notion de coordination, donc qui a été au centre de notre étude CORSAC, de voir comment est-ce que les patients et les oncologues aussi et les praticiens non conventionnels pouvaient coordonner les différents types de pratiques. Donc Élodie Planchon, qui a travaillé sur ces questions-là, montre bien, dans le cadre de son travail, que finalement, il y a une forme de reconnaissance réciproque, aujourd'hui, entre le travail des praticiens non conventionnels et le travail des oncologues. Donc, on n'a plus vraiment d'hostilité, de conflit qui serait une espèce d'animosité. Finalement, aujourd'hui, il y a une espèce de reconnaissance réciproque à partir du moment où chacun reste un petit peu à sa place. Alors, ce terme de rester à sa place est utilisé à la fois par les oncologues, mais aussi par les praticiens non conventionnels qui ne veulent pas, selon elles, empiéter sur la chaîne thérapeutique. Donc voilà, il y en a vraiment deux sphères. Et donc, la question qui se pose, c'est oui, mais comment les gens peuvent travailler ensemble et qu'en est-il de la coordination ? Donc finalement, il y a vraiment une... alors là, je vais reprendre un petit peu ce qu'a dit Guillaume, mais on a l'impression qu'il y a quand même une place centrale qui est occupée par l'oncologue, en tout cas dans le discours des patients. Ça, c'est quelque chose qui a été mis vraiment en lumière dans l'étude Corsac. Les patients investissent l'oncologue d'une place extrêmement importante, et cette place n'est pas du tout remise en question par l'usage à des praticiens non conventionnels. Il y a toujours cette place-là qui n'est pas du tout remise en question et qui reste très très légitime aux yeux des patients. Alors c'est une place évidemment qui se paye d'attente de la part des patients, qui attendent de l'oncologue qui se montre disponible, chaleureux, ouvert, explicatif, compréhensif, ce que évidemment l'oncologue n'a pas toujours ni le temps ni forcément la volonté de faire. Et du coup il peut y avoir on va dire des petits heurts entre l'oncologue et le patient. Et ça, le recours aux pratiques non conventionnelles cristallise ce type de heurte dans la mesure où en fait les patients qui aimeraient avoir recours à ce type de pratique se sentent un peu démunis parce qu'ils essayent d'avoir des informations de la part de l'oncologue, puisque voilà, l'oncologue c'est l'oncologue et donc il est censé un petit peu tout savoir, et ils s'aperçoivent que l'oncologue ne sait pas tant de choses que ça et qu'en plus il n'est pas forcément disposé à donner des informations par rapport à ça. Donc du coup, les patients de l'étude Corsac ont vraiment déploré le manque de connaissances et l'incapacité de la part des oncologues à les informer. Donc ils investissaient l'oncologue d'un rôle d'informateur qu'apparemment l'oncologue ne pouvait pas vraiment investir. Donc finalement, on s'est aperçu que dans le cadre des échanges, de la relation entre l'oncologue et le patient par rapport aux pratiques non conventionnelles, c'était plus le patient qui était informateur. C'est-à-dire qu'il allait expliquer à son oncologue qu'est-ce qu'il faisait, comment ça marchait, les principes des recours aux pratiques non conventionnelles, etc. Donc il y avait un espèce de basculement qui se faisait, mais l'oncologue n'était pas, encore une fois, hostile, et certains sont, au dire en tout cas des patients, certains étaient en attente justement d'informations de la part des patients. Donc ils disaient « Ah oui, vous avez eu recours à ça, mais dites-moi en plus, j'aimerais bien aussi m'informer. » Voilà, donc il peut y avoir aussi une espèce de relation informateur, informateur qui bascule par rapport au recours aux pratiques non conventionnelles. Et encore une fois, ça invite à nuancer le postulat de la prévalence des injonctions d'observance exclusive. L'oncologue, encore une fois, n'est pas forcément hostile. Ils ne sont pas dissuasifs. Maintenant, ils sont, au dire des patients, clairement en attente eux-mêmes d'informations puisqu'ils ne savent pas vraiment comment ça marche. Donc, il n'y a pas de dissuasion et le recours aux pratiques non conventionnelles est bien laissé au choix du patient. Alors, certains enquêtés ont quand même rapporté des remarques dubitatives de la part de l'oncologue quant à l'efficacité des recours aux pratiques non conventionnelles. Et ça, ce type de remarque dubitative, finalement, ça a trois incidences par rapport aux patients. La première incidence, c'est que finalement, ça vient conforter les représentations préconstruites du patient à l'égard des représentations des oncologues. C'est-à-dire qu'en fait, avant même finalement d'avoir évoqué leur recours aux pratiques non conventionnelles, les patients présupposent l'hostilité de la part de l'oncologue, qui n'est pas forcément vérifié, mais en tout cas, eux pensent que l'oncologue va forcément être hostile. Donc du coup, dès que l'oncologue, va avoir la moindre remarque un petit peu dubitative, tout de suite ça va être interprété comme une marque d'hostilité. La seconde conséquence, c'est que on fonctionne sur le secret, c'est-à-dire que la plupart des enquêtés ne disaient pas, ou en tout cas évoquaient de manière très très légère, très succincte, leur recours aux pratiques non conventionnelles, par crainte justement de la réaction des oncologues. Donc du coup, ça peut poser des problèmes, notamment en termes d'interaction, des traitements, etc. Ils préféraient finalement ne rien dire, par crainte, de susciter l'hostilité de l'oncologue. Et puis la dernière conséquence, c'est que le patient finalement avait tendance à cloisonner lui-même ses recours, c'est-à-dire que les patients de l'étude Corsac envisageaient les recours conventionnels et les recours non conventionnels comme deux sphères complètement distinctes. Donc pour le coup, on n'avait aucun lien qui était fait. Les patients y avaient recours de manière parallèle, mais ils n'envisageaient pas de coordination entre les praticiens non conventionnels et les praticiens conventionnels, les médecins biomédicaux. Eux, ils considéraient que c'était deux choses complètement distinctes. Eux faisaient la liaison dans le cadre de leur expérience du cancer, mais en tout cas, il n'y avait pas de liaison effective entre les deux types de praticiens. Attention, on a dépassé les 30 minutes. On a dépassé les 30 minutes. Donc je vais essayer de faire très très vite. Donc juste pour conclure assez rapidement, finalement on s'aperçoit que le recours aux pratiques non conventionnelles, il y a des manques en tout cas de la part, on va dire, de la coordination. Ça c'est vraiment un des gros résultats de l'étude Corsac qui est apparu. En même temps, ça peut se payer, c'est un espèce de coût pour le patient qui doit donc assurer la liaison, être en recherche d'informations, etc. En même temps, ça a aussi un gain dans la mesure où ça permet au patient de s'approprier sa maladie, notamment à travers cette fameuse recherche d'informations. Il peut aussi le patient peut doser son degré d'implication. Autant on attend de lui, on va dire, une adhésion assez totale aux traitements biomédicaux, autant là, le patient finalement se sent libre d'arrêter, d'essayer, voilà. C'est une espèce de liberté qu'il ne trouve pas dans les traitements biomédicaux. Et une espèce d'autonomisation à travers ce type de recours qui peut être considéré comme bénéfique et par le patient et par l'oncologue. Merci de cet effort sur le temps. Maintenant, une intervention déjà de...